Josepha, très ennuyée de ses théories, voulut changer de conversation. « Vous parlez de ce que vous ignorez complètement. Y a-t-il un de vous qui ait assez aimé une femme, et une femme indigne de lui, pour manger sa fortune, celle de ses enfants, pour vendre son avenir, pour ternir son passé, pour encourir les galères en volant l'État, pour tuer un oncle et un frère, pour se laisser si bien bander les yeux qu'il n'ait pas pensé qu'on les lui bouchait afin de l'empêcher de voir le gouffre, ou pour dernière plaisanterie, on l'a lancé. Du Tillet a sous la mamelle gauche une caisse, Léon de Lora y a son esprit, Bixiou rirait de lui-même s'il aimait une autre personne que lui, Massol a un portefeuille ministériel à la place du cœur, Lousteau n'a là qu'un viscère, lui qui a pu se laisser quitter par Madame de la Baudraye. Monsieur le Duc est trop riche pour pouvoir prouver son amour par sa ruine. Vauvinet ne compte pas. Je retranche l'escompteur du genre humain. Ainsi vous n'avez jamais aimé, ni moi non plus, ni Jenny, ni Carabine. Quant à moi, je n'ai vu qu'une seule fois le phénomène que je viens de décrire. C'est, dit-elle à Jenny Cadine, notre pauvre baron Hulot, que je vais faire afficher comme un chien perdu, car je veux le retrouver. Ah ça, se dit en elle-même Carabine, en regardant Josepha d'une certaine manière. Madame Nourrisson a donc deux tableaux de Raphaël que Josepha joue mon jeu. Pauvre homme, dit Vauvinet, il était bien grand, bien magnifique. Quel style, quelle tournure! Il avait l'air de François Ier. Quel volcan! Et quelle habileté, quel génie il déployait pour trouver de l'argent! Là où il est, il en cherche, et il doit en extraire de ces murs faits avec des os qu'on voit dans les faubourgs de Paris, près des barrières, où sans doute il s'est caché.